test, t'as voulu clash, remballe tes bombes au clash. Ici c'est du lourd, c'est du street life. Underground production, GB Master Blaze, F2X au microphone, mic unique, mic au microphone. MIC microphone, mic unique, microphone, Macify, Macify, mic au microphone. Oh oh, ça va marcher du lourd. J'suis à plein grâce, respecte mes bras et mes faces. J'suis anti-coque et anti-tar. En importe mes années, j'ai pourtant pas la dégaine de Scarface. Yeah, yeah, yeah. Écoute mon son, ton corps se fige. Est-ce que tu piges? Si t'entends pas, j'redresse la coupe de pisse. J'fais du son lourd, du dangereux, truc de fou, truc de nerveux. Yeah, you know we hot right now. Je balance la sauce, je vais m'occuper des patos. Vous en mêlez pas, je fais une mêlée. Je balance mes rimes sur la mélo. Provoque un méli-mélo dans chaque couplet. C'est du coup pré-écouter, écoute ça. C'est partout, je suis un dixa. Psychopathe, royal dingo au micro. J'ai la rage dans les studios, comme Joe Star sans ses chicots. Oh, Je fais du rap, pour du old school. T'as un âge, te sort un fool. Je fais du rap qui court, qui regroupe les foules. Je veux me doubler, je suis à plein gaz. Balance mes rimes sur la mélo. Gaz, gaz, gaz. Je suis fashion, mais je kiffe pas trop les homos. C'est la méduse qui va faire chavirer ton radeau. Yeah, yeah. You really think you hook on blast? And I can show you why I got your hook on smash. If they fuck with us, it's nothing but knuckle up. I'ma show you why I got the hood on smash. If they fuck with you, it's really nothing, dude. Bust your tool and show them you got your hood on smash. If a nigga wildin' out and don't stop to think and make a nigga drop the drink and whoop that ass. And if a nigga think he's stopping me, then I'ma show him why I got my hood on smash. Je bouge ta paye, mets tes 500 en épée. On arrive, on est ambiancé. Sors ta cam, commence à filmer. On arrive, on se meurt dans toutes les boîtes. Alors fais péter les watts, fais péter les watts. So you wanna spend some time the rap shit. Might spend a little more time grinding the your back. Fuck with mine, let it hear a line of the crack. Hustle is mine, I'm trying to get a dime in the sack. Look how I get back to it. Flow vicious, niggas is feeling the back music. Oh shit, I ain't write the rhythm, the track good. This is shit that had niggas willing to access. You really think you hook on blast? And I can show you why I got your hook on smash.